L'association d'amitié russe Karélie, République populaire démocratique de Corée et le groupe russe de solidarité avec la République populaire démocratique de Corée ont publié respectivement une déclaration contre les actes hostiles des États-Unis à l'encontre de la Corée qui deviennent de plus en plus ouverts.